الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء فربنا سبحانه وتعالى هو الخالق الباري جل وعلا قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل فهذا الكون لم يأتي سدى ولا هكذا بل أوجده رب العالمين سبحانه وتعالى ومحدث بعد عدمه ولقد اعتنى نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بذكر بدء الخلق تعليما وتعليما لأصحابه ولأمته عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم رواه البخاري وهكذا الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين اهتموا بهذا الأمر العظيم جاء بعض أهل اليمن وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر أي في اللوح المحفوظ وكتب في الذكر كل شيء رواه البخاري فالعرش أيها المؤمنون أول ما خلق الله تبارك وتعالى هو أعظم المخلوقات أعلاها وأثقلها وقد نعته رب العالمين بأوصاف بنعوت عديدة بأنه مجيد وبأنه كريم وبأنه عظيم قال سبحانه رب العرش العظيم وقال جل وعلا رب العرش الكريم وقال سبحانه ذو العرش المجيد في تلاوة مجيدي على أنه نعت للعرش. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة في بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. رواه ابن حبان وصححه الألباني رحمة الله عليهما. فالعرش أول المخلوقات. Excusez-moi monsieur, je permets pas qu'on me filme. Probablement que vous avez une permission, mais me concernant, je ne permets pas qu'on me filme. Merci. Si ça était le cas, je vous demanderais d'avoir la gentillesse de bien effacer. En vous remerciant. ثم خلق الله سبحانه وتعالى الماء. بعد أن خلق ربنا سبحانه وتعالى العرش العظيم، خلق الباري الخالق مبدع السماوات والأراضين الماء. الماء وعليه عرش الرحمن، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. قال ابن كثير المفسر الكبير رحمه الله تعالى: وكان عرشه على الماء قبل ذلك، أي قبل خلق السماوات والأرض. والماء قال ابن عباس رضي الله عنه: كان على متن الريح. أخرجه البيهقي والحاكم رحمه الله. ثم خلق الله القلم، ثم خلق الله القلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم. قال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء. قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. رواه أبو داود من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. والكتابة كما جاء عند مسلم حصلت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، بخمسين ألف سنة. وخلق الله الملائكة الكرام وخلق الجان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجن أو خلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. رواه مسلم. وخلق الله سبحانه السماوات السبع والأراضين السبع العظيمة وما بينهما في ستة أيام، في سبعة مواضع من القرآن الكريم بيّن الله سبحانه وتعالى هذه الحقيقة العظيمة. أخبرنا بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام في سورة الأعراف، وفي سورة يونس، وفي سورة هود، والفرقان، وقاف، والسجدة، والحديد. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفصل الله عز وجل ذلك في سورة فصلت. واعلموا عباد الله أن ربنا عز وجل ذو القوة المتين، ذو القوة المتين، وهو على كل شيء قدير. وخلق هذا الكون العظيم لم يتعبه في شيء، لم يتعبه في شيء، ولم يصبه بهذا نصبا. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى: أولها يوم الأحد وآخرها أولها يوم الأحد أو أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة من غير تعب ولا نصب ولا لغوب ولا إعياء. فالله سبحانه وتعالى رب العالمين وخالق الناس أجمعين. وهذه المعرفة أيها المؤمنون تدعونا إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده دون ما سواه. قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والحمد لله. الحمد لله رب العالمين بديع السماوات والأرضين بديع السماوات والأرضين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. وبعد، Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre nous enseigne qu'à lui appartient la royauté des cieux et de la terre. C'est lui qui donne la vie et donne la mort et il est parfaitement omnipotent, capable de toutes choses. C'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché et il est parfaitement connaisseur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique le nom d'Allah al-awwal en nous disant « Anta al-awwal falaysa qablaka shay » Tu es le premier et tu n'as été précédé par aucune autre chose. Notre Seigneur est donc le Créateur de toutes choses. Il n'y avait rien avant lui, et c'est celui qui subsistera, subhanahu wa ta'ala. Kullu shayin halikun illa wajhah. Toute chose est vouée à la destruction, si ce n'est son visage. Il nous cite dans son Coran, selon la traduction des sens de ce verset, Allah est le Créateur de toutes choses. Allah est le Créateur de toutes choses. Donc, cet univers extraordinaire est l'œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas l'œuvre du hasard. Les cieux, la terre, ce qui s'y trouve entre les deux, n'est pas venu soudainement sans que ce soit l'œuvre de la créature, du créateur subhanahu. Allah tabaraka wa ta'ala nous a enseigné cela dans le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accordé beaucoup d'importance à cette chose qui est l'explication et la description du commencement de la création. Comment toutes ces choses ont commencé? Comment ont été créés les cieux, les terres, les gens, les djinns, les anges, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala? Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu nous dit, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tenu devant nous et nous a informé du début de la création. Et nous a décrit tout cela jusqu'à ce que les gens du paradis entrent dans leur demeure et que les gens de l'enfer entrent dans leur demeure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc exposé cela à sa communauté. Il a accordé de l'importance à la connaissance du début de la création. Et c'est ainsi qu'ont hérité de lui les compagnons, radiallahu anhum, une délégation venant du Yémen, est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces gens lui ont dit, ô messager d'Allah, nous te sommes venus afin de nous instruire dans la religion et te questionner sur le commencement de tout cela. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y avait Allah et nulle autre chose avec lui. Il y avait Allah et nulle autre chose avant lui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est al-awwal, c'est le premier, wal-akhir est le dernier. Et son trône était sur l'eau, puis il a créé les cieux et la terre, et a écrit fi dhikr, c'est-à-dire les tablettes préservées dans lesquelles le destin, la destinée a été inscrite, il a écrit toutes choses. Et ces deux hadiths sont rapportés par l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Donc le arsh, le trône d'Allah azza wa jal, est la première des créatures. La première des créatures est le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est élevé au-dessus de l'ensemble des créatures. C'est la créature la plus lourde, la créature la plus élevée, la créature la plus immense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la différence qu'il y a entre le Kursi, ou bien la différence qu'il y a entre les sept cieux et le Kursi, c'est-à-dire l'endroit des pieds d'Allah subhanahu wa ta'ala, est semblable à la différence qu'il y a entre une bague jetée dans un désert, la taille de la bague devant ce désert. Le Kursi est aussi grand que le désert devant une bague qu'est, ou plutôt le désert, la place du désert devant cette bague nous montre la grandeur du Kursi devant les sept cieux. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et la grandeur du trône par rapport au Kursi est semblable à la grandeur d'un désert par rapport à une bague. Donc le Arsh est une créature incommensurable, est une créature très lourde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a longuement décrit tout cela. Et Allah Azza wa Jal dans le Coran nous a cité des caractéristiques de ce trône en nous disant selon la traduction qu'il est noble, magnifique, immense et très lourd. Ou plutôt, naam, il est immense plutôt. Après cela, il y a eu la création de l'eau. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous enseigne que c'est lui qui a créé les cieux et la terre en six jours et que son trône était sur l'eau. Donc, au moment de la création des cieux et de la terre, Allah Azza wa Jal avait déjà créé l'eau. Et au-dessus de cette eau, il y avait le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'explique Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala. Puis Allah Azza wa Jal a créé Al-Qalam, la plume avec laquelle fut écrit le destin. Donc le trône a été créé, puis l'eau a été créée, puis la plume a été créée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la première chose qu'Allah a ordonnée à la plume lorsqu'il l'a créée, ou bien la première chose à avoir été créée est la plume, puis Allah lui a dit « écris ». La plume a répondu « que dois-je donc écrire ?» Allah azza wa jal lui a ordonné d'écrire le destin de toute chose jusqu'à l'heure de la fin du monde. Donc tout a été écrit, tout a été consigné dans un livre, tout ce qui aura lieu et se déroulera jusqu'à la fin du monde, Donc la première chose qui a été créée, parmi les premières choses plutôt qui ont été créées, il y a le qalam. La première plume qui a été créée, c'est le qalam, la plume avec laquelle le destin a été écrit. Et cette plume a été créée après le arsh, car dans le recueil de l'imam muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que cette plume a été créée et a écrit le destin 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, alors que le trône d'Allah était sur l'eau. Donc lors de la création de la plume, il y avait déjà l'arche et il y avait déjà l'eau. Parmi ce qu'Allah azza wa jal a créé, il y a le malaïka, il y a les anges et il y a les démons. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam que les anges ont été créés de lumière et que les démons ont été créés de feu et que Adam a été créé de ce qui vous a été décrit, c'est-à-dire de boue malléable. Allah subhanahu wa ta'ala a créé évidemment les sept cieux et les sept terres, et cela fait partie des plus grandes créatures et des signes d'Allah les plus manifestes. Et cela a eu lieu en six jours, comme Allah Azza wa Jal nous le cite dans cet endroit du Coran. Certes, votre Seigneur est celui qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis s'est élevé au-dessus du Arsh. Allah Tabaraka wa Ta'ala est en dehors de sa création, élevé au-dessus de la créature la plus haute, qui est le Arsh. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit et détaillé cette création qui a eu lieu en six jours. La terre a été créée en deux jours, les cieux pareillement, et quatre jours parmi ces six ont servi à la désignation de la subsistance de chacun et à créer ce qu'il y a entre les deux. Allah subhanahu wa ta'ala nous détaille cela dans Sourate Fussilat subhanahu wa ta'ala. Et sachez, mes chers frères, qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé tout cet univers, les cieux et la terre, tout ce qu'il y a entre les deux. Il a créé le Kursi et le Arsh, ces créatures qui sont des plus immenses et des plus lourdes. Malgré tout cela, il ne s'est pas fatigué, subhanahu wa ta'ala. Malgré tout cela, il n'a subi nulle peine ni fatigue. Allah tabaraka wa ta'ala est le détenteur de la force, l'inébranlable. Il est doté d'une force que nul ne saurait réduire à l'incapacité. Il nous enseigne dans son livre qu'après avoir créé les cieux et la terre et ce qui se trouve entre les deux en six jours, il n'a pas été touché par quelque fatigue. Par quelque fatigue. Ibn Sa'd rahimahullah ta'ala nous dit que la création a commencé le dimanche. Et elle s'est achevée, elle a commencé na'am le dimanche. Et elle s'est achevée le vendredi. Et cela sans aucune peine, sans aucune fatigue de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala nous a aplani cette terre et a fait du ciel pour nous un toit afin qu'on puisse vivre en toute tranquillité, avoir notre subsistance. Et parmi les créatures, il y a Adam, le premier homme, notre père, le père de l'humanité. Allah l'a créé un vendredi. Allah l'a créé un vendredi. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. Allah Azza wa Jalla nous enseigne dans le Coran que le fils de Adam n'était rien, il était dans le néant et Allah Azza wa Jalla l'a créé afin de l'éprouver. Et Allah Azza wa Jalla nous a honoré de par notre création, et il nous a enseigné la parole, il nous a créé de la meilleure façon, il nous a enseigné l'éloquence. Il nous dit dans son livre, Bismillahir Rahmanir Rahim, Ar-Rahman, Allama al-Qur'an, Khalaqa al-Insan, Allamahu al-Bayan. Nous devons donc être reconnaissants vers Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a créé toutes choses, et il n'a pas créé tout cela en vain. Il a créé tout cela pour qu'on sache qu'il est parfaitement omnipotent et qu'il est savant, subhanahu wa ta'ala, et donc le seul, l'unique, à mériter entièrement l'adoration. C'est pour cela que très souvent dans le Coran, il nous cite que c'est le seul créateur et donc le seul qui mérite entièrement l'adoration. C'est pour cela qu'Allah nous a créés. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Il nous dit également, subhanahu wa ta'ala, dans son livre, يا أيها الناس اعبدوا ربكم vous les gens adorez votre Seigneur الذي خلقكم celui qui vous a créé vous et ceux qui vous ont précédé tout cela pour que nous l'adorions seul d'un culte sincère tout cela pour nous, que nous le connaissions à travers ses noms et à travers ses attributs il nous dit الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ فَأَسْأَلُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِ الْعُلَى أَنْ يُبَصِّرَنَا فِي دِينِنَا وَأَنْ يُعَلِّمَنَا مَا جَهِلْنَا وَأَنْ يَنْفَعَنَا بِمَا تَعَلَّمْنَا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, un de nos frères qui fréquente cette mosquée, notre frère Othman, le Marocain, a perdu son enfant à la naissance. On demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder à lui ainsi qu'à son épouse et leur famille patience et endurance et de leur remplacer cela par la douceur de la foi et une descendance pieuse et en bonne santé. Aussi, vous savez qu'il y a donc dans la mosquée un projet de construction. Et on me fait vous rappeler qu'il y a une date butoir pour le commencement des travaux. Donc on demande aux fidèles de cette mosquée, tout particulièrement, et à ceux qui viennent prier ou en tirer profit, de dépenser de ce qu'Allah Azza wa Jalla leur a facilité, afin qu'on puisse être dans les temps pour élever cet édifice. Sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله.